Bonjour Menestre, mesdames et messieurs, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Hennebert et je serai votre hôte du jour. J'espère que tout se passe bien pour vous et je vous envoie des bisous, si consenti, si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. Du coup, pas consenti. Oui, du coup. Non, que vous passiez une bonne journée ou pas. Formulation de phrases hasardeuses. Oui, voilà. Les virgules, tout ça. Pour savoir ce que tu veux dire, mais ce n'est pas vraiment ce que tu as dit. Vous aurez reconnu sa voix aussi piquante qu'agréable à l'oreille, finalement. Après tout ce temps sans l'avoir entendue sur nos ondes, c'est Hicham El Amoury. C'était ironique ou quoi? On ne le saura jamais. Oh putain. Vous avez également entendu son rire aussi strident qu'agréable après tout ce temps sans l'avoir entendu. C'est terrible. Non, mais la bienveillance, ça a décidé d'être au sol. Bienveillance est en sens intensif et on a appelé la famille pour dire qu'on ne peut plus rien faire. C'est Iso Brassel, il y avait Kappa. Bravo. Il y avait Kappa me critiquer sur mon français. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous voir, sauf Manu. Tout pareil. Alors, nous sommes le quatrième lundi du mois. Alors, vous le savez, cher public, chers auditeurs, pendant qu'Hicham se remet du choc... En train de reboot, en fait. Mon dark side. du décès de la bienveillance. sur ce podcast. Nous accueillons à nouveau notre invité formidable, formidouble. Il s'agit d'Imran. Bonjour, Imran. Bonjour. Coucou, j'ai un rond doudou sur mes genoux. Du coup, je suis heureux. Oh. Il n'en faut pas beaucoup. Vous aussi, ayez un rond doudou chez vous. Donc là, c'est pas chez moi, donc du coup. Ou alors piquer le rondoudou des autres. C'est ça, exactement. Bonjour. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été pendant ces deux semaines? Bah écoute, plutôt bien. Je me suis remis de l'arbitrage que j'ai fait avec les ados et le Wakanda. Oh, c'est trop chouette. Wow. Les ados sont formidables. Les ados sont géniaux. Le Wakanda. Vraiment. C'est une équipe à Molenbeek avec composée de gens. Gatsoran, je pense. Donc, autant pour moi. On m'a communiqué les mauvaises informations. Mais le point étant que, voilà. C'est très chic. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup, les personnes racisées, non ? Girl, on est 12. Un truc comme ça. Mais oui. Oui, malheureusement. Mais voilà. Mais donc oui, non, très bien. De belles petites semaines. Et je suis déjà très hâte de l'arbitrage que je vais faire dans maintenant 2-3 semaines, un truc ainsi. Je vais arbitrer Poney versus Poussin Masqué. C'est qui ça? Et c'est des équipes d'impro du championnat. Alors, nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui, bien sûr. Nous aurons l'occasion d'en reparler à la fin de l'épisode. C'est vrai. Mais pour commencer, pour un petit peu mieux te connaître, alors même si maintenant nous avons passé un épisode en ta compagnie, c'est vrai. Je vais reprendre une question qu'il me semble Hicham avait posée à un ou une autre invité dans une session précédente, mais que j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tu es passé de « Oh, j'ai fait un ou deux entraînements d'impro comme ça » à « J'ai fait quasiment tous les all postes. » Impro, all the time. Exactement. Qu'est-ce qui a été cette le... Cette première étape n'a jamais eu lieu, Manu. Je suis vraiment arrivé, j'ai fait « C'est mon endroit maintenant. » Vraiment, premier coaching, je suis arrivé, j'ai fait « J'adore l'improvisation. » Et puis j'ai vraiment... raté, je crois que sur l'ensemble de mes coachings à Improvoc, big up à l'Improvoc d'ailleurs, sur l'ensemble de mes coachings à Improvoc, j'ai dû en rater 4 sur 5 ans. Oh, wow. Donc vraiment, donc je disais 1, 2, 3. Ça a été un investissement assez clair et direct. Mmh. Et l'impro est le premier espace où je m'engage plus de 3 ans. Parce que, comme dramatiquement révélé par Hicham à l'épisode précédent, j'ai fait du Quidditch. Et j'ai fait du Quidditch 3 ans. Et en gros, tous mes hobbies avant ça, c'était 3 ans. Et puis l'impro, on reste jusqu'à ce que j'ai vos âges, en fait. Pardon, c'est gratuit. On a des âges. C'est vrai que ça fait des âges. Mais oui. C'est un problème sociétal de prendre ça comme une attaque, en fait. Et oui, c'est ça. C'est problématique. Bien, justement, parce que donc récemment, tu as quitté le milieu universitaire pour rentrer dans la vie d'adulte. Hein, Berk, les impôts. Allez. De vieilleux. Qu'est-ce qui a changé dans l'impro entre le milieu universitaire et hors universitaire? Est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis justement « Ah, ça c'est bien que ce soit terminé ou qu'on puisse faire autrement ?» Mais en gros, je pense que c'est plus la question du confort, de la régularité. Parce que du coup, donc, on a monté une équipe avec Indusein et Claire Sion et Kélina Siro et plein d'autres personnes formidables. C'est des gens, je sais pas, elles sont là. Mais en gros, voilà, elles sont formidables. Et en l'occurrence, donc, il y a cette équipe qui s'est lancée. Et du coup, c'est un exercice de lancer une équipe plutôt que de rester dans une équipe universitaire qui est là depuis plus de 25 ans. Et donc, du coup, c'est un exercice de créer une régularité, de monter une équipe, etc. Donc, de monter un projet. Maintenant, c'est très galvanisant parce que du coup, on fait ce qu'on veut et on ne se retrouve pas à travailler les personnages pour la 14e fois depuis 5 ans. Et les manips. Et, ça, les manips. Et on fait des manips de creusage de pelle. La variété, c'est chic. Mais les unifs, c'est toujours mes bébés et ce sera toujours un plaisir de les voir, de les arbitrer et de leur faire des applaudissements à la fin des pestacles. On en reparle dans 10 ans. C'est alors vrai. Ah oui, non, j'entends. Nous allons passer. Non, en vrai, j'adore toujours les unifs. De loin. Mais maintenant, c'est clairement quelqu'un de cruel qui se retient, tu vois. Ouais, c'est clair. Peut-être que c'est Imran qui mais c'est ça en fait, je crois que j'ai aussi la sas parmi les gens autour de la table, mais écoutez, non, je veux juste dire que moi j'ai moins de patience quand les MC clairement sont des gens qui 10 minutes avant se disent oh ouais si je faisais maître de cérémonie est-ce qu'on ouvre sa boîte de panda nous n'allons pas l'ouvrir maintenant mais ce que nous allons ouvrir c'est la boîte des belles impro. C'est beau ce que vous dites. Merci. Attends, il faut le bruit de harpe. Il est où le bruit de harpe? Je crois qu'il est par ici. Waouh. Magie. Parce c'est qu'on n'a rien préparé, c'est 3 improvisations, c'est vrai. C'est des petits jeux, c'est plein de fun, on l'espère, mais pas que, nous l'avons montré avec l'improvisation des zombies la dernière fois, qui aurait pu commencer comme une impro premier degré très mignonne et qui a fini en... Deux zombies ratatata. Ratatata en chanson. Les zombies ratatata, on dirait une chanson où les gens dansent de manière très gênante dessus. C'est vrai. Et ils donnent c'est des vrai. Instructions sur comment danser pendant dans la chanson. Les zombies ratatata, baisse-toi. Exactement. Eh bien Hicham, si tu nous présentais quelque chose que tu aimes plutôt que quelque chose que tu nous détestes en parlant de la première impro du jour. J'ai fait une fancy fair sur corde à sauter. Voilà. Moi je danse avec toi quand tu veux. Oh bébé, let's go. Eh bien je vais vous proposer une improvisation Weird Things. Weird Things, c'est une improvisation basée sur le compte Instagram Weird Things in Brussels. Ah, ne regardez pas maintenant, c'est trop tôt. Attendez. C'est une. J'ai menti. C'est une improvisation où je dégote une photo saugrenue prise à Bruxelles et publiée par le compte Weird Things in Brussels et on se base là-dessus pour faire une improvisation. Je vous encourage à regarder la photo que je vous ai envoyée maintenant. Je la trouve particulièrement gratinée. C'est infernal. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah ouais. C'est hella cute. Regarde. Sur mon téléphone. Infernal, ouais. Non, c'est hella cute. C'est le démon. J'entends pas les rages. Donc, c'est littéralement un alligator qui sort d'une poubelle. J'adore. Un alligator, un bébé alligator empaillé dans une empaillé. Poubelle. Empaillé. Bah oui. Oh non, empaillé. Je croyais qu'il était vivant, mais les gars, moi, je pensais que c'était du plastique ou quoi. Non, c'est empaillé. Regardez. C'est moins cute. C'est dégueulasse. C'est on est passé de cute à Aled. Moi, c'est vrai que c'est allé très vite. Oh, oui. Eh bien, voici. Ça, c'est votre. C'est, vous, comme ça, les gens ont le pitch de ce qu'il y a sur la photo. J'encourage les auditeuristes à aller voir la photo avant de commencer l'improvisation. Comme ça, ils ont bien la vibe. C'est infernal. Je la trouve infernale. C'est génial. Imran, vas jouer cette improvisation trop avec cool. Manu. Très bien. Non, Croco. Pas cool, trop cool, Croco. Oh, et j'adore. Et c'est parti. Mais qu'est-ce que c'est je veux juste trier mes déchets. C'est tout ce que je veux. Maintenant, cet endroit est à moi, d'accord? Ok, j'ai payé un loyer, d'accord? Le monde de l'immobilier à Bruxelles est extrêmement compliqué, alors tu vas me laisser avoir mon espace. Si tu veux trier les trucs, tu trouves un compost derrière ton appartement et tu te débrouilles. Ok ? Ok, mais alors, ces morceaux de pilon de poulet qu'on n'a pas fini hier, je les mets dans mon compost derrière mon appartement, alors ? Ah... et ce restant de cheesecake des tartes Berthold qu'on n'a pas terminé à la soirée, je le mets dans mon compost derrière aussi alors. Proposition. Je te propose. Quoi ? Quoi ? Tu prennes ma poubelle, que je prenne ton appartement avec ton compost et que je mange ton compost. Deal. Viens dans ma poubelle. Mais j'ai cueilli tous les déchets. Ah oui ? Et... Sans qu'il y ait besoin de... Je t'ai déjà dit d'arrêter. Je fais ce que je veux. Chacun sa poubelle. Tu veux que je te mange ? Tu peux pas manger. Tu dois, si tu quittes ta poubelle, il y a un autre raton laveur qui va venir la prendre. Tu vois quoi ? Et je peux garder mon appartement alors. Vas-y. Autre deal. J'accepte que tu mettes tes affaires ici. Ne l'écoute pas. Donne-moi la poubelle. Je n'hésiterai pas à venir te manger si tu lui donnes la nourriture. Si je n'ai pas de pilon de poulet, si je n'ai pas de cheesecake, si je n'ai pas ta compagnie, car je me sens très seul dans ce petite poubelle, je n'hésiterai pas à venir te manger. Donc, on pourrait être à deux dans ces poubelles, si tu étais plus sympa. Je vais déposer cette poubelle entre vous deux. Et vous vous débrouillez. C'est n'importe quoi. Surtout que tu as commencé par la même phrase que t'as dit pour le début de l'impro. C'est chez moi ici maintenant. Là, c'est comme ça, Imran, il est arrivé dans son premier compte d'impro, il a fait. C'est vrai. C'est chez moi. Oh waouh. J'ai adoré. Voilà. La crise de l'immobilier. La crise de l'immobilier. On fait des drames sociaux ici. C'est clairement Excel. C'est clairement Excel. À côté de Fernand Coq. Ou alors par Vicengile. Ah ouais, par Vicengile. C'était beau. Eh bien. C'est horrible. Eh bien, voyons ce qu'il y a dans la tête d'Iseu en la laissant nous présenter son impro du jour. Eh oui. Eh bien, Imran, très cher, nous allons jouer ensemble. Oui. Sauf que tu ne joueras pas avec moi. C'est une réplique imposée. Je serai la moitié d'une œuvre et tu seras une improvisation de l'autre côté. Oh là là là là, un délice. Mais oui, et c'est tout spécialement pour toi. J'ai hâte. Je dirais même, j'ai hâte. Très bien. Oula. Est-ce que c'est clair pour toi ? C'est très clair. Est-ce que tu es prêt ? Je vais prendre votre téléphone rose. Si tu peux. Nous n'avions pas prévu de rendez-vous cette nuit. Et pourtant, regardez comme je suis habillé. Que dois-je comprendre ? Il n'y a rien à comprendre, il n'y a qu'à vivre les choses, grand fou. Vous n'avez pas osé ! Et pourtant ! Après tout, la maison est vide, donc autant faire ce qu'on veut. Quelle générosité de votre part. Mais écoutez, quand on a un manoir qui fait des milliards d'hectares tel que celui-ci, autant qu'il serve. Et quelle est-elle ? Vous posez les terribles questions. Elle ne reviendra pas. Vous pensez y arriver ? Voyez-vous, je suis encline à y voir une de mes plus grandes victoires. La plus grande victoire ? Ma personne ? Mais vous savez que nombreuses sont les personnes qui sont déjà venues ici. J'accueille tout le monde et n'importe qui. Non pas que vous ne soyez tout le monde et n'importe qui, mais vous êtes spécial à mes yeux. Seulement, voyez-vous, Vicomte, ma victoire n'est pas sur elle. Nous ne sommes qu'un moment. Peut-être que vous avez une victoire ailleurs, peut-être que vous choisissez un autre espace, mais ce moment aujourd'hui, ce moment-là tout de suite, je le prends et je le chéris. C'était une victoire sur vous. Vous aimiez cette femme, Vicomte. Que dis-je ? Vous l'aimez encore, passionnément même. Comment avez-vous pu la traiter de la sorte, si ce n'est par honte de vos sentiments ? Vous ne pouvez supporter la moindre possibilité d'être moqué. C'était donc vous ? C'était donc vous, les jonquilles au milieu de l'assiette de pâte ? C'était vous qui avez teint les fenêtres couleur de sang alors que nous allions passer notre nuit de noces ? C'était vous qui avez mis en place ce plan pour éloigner cette femme de moi ? Oui, peut-être que j'avais peur, mais peut-être que vous aussi, vous la désiriez. J'aurais dû y penser, que vous en aviez assez de poursuivre les femmes pour l'instant. Eh bien, qu'attendez-vous ? J'ai d'autres obligations, vous m'envoyez navré. Qu'est-ce qu'une obligation à laquelle on peut refuser de participer ? Comment ? Vous avez bien compris ce que je veux dire ? Qu'entendez-vous par cela ? Que savez-vous ? C'en est assez, vicomte ! C'en est assez ? N'avez-vous pas reconnu la personne avec qui vous aviez rendez-vous juste après ? C'était moi ! Zoup ! Et oui, je vous attendais ! J'ai vu le piège que vous aviez prévu de me placer ! Mais en fait, c'est vous qui allez être piégé ! Comment cela, allons-y ? Vous voulez encore qu'on... Enfin, moi ça me va, mais... Enfin, de base, c'était un plan de vengeance, mais je... Vous... Je pense qu'il est temps que vous partiez. Je pense qu'il est temps que nous partions, si vous voyez ce que je veux dire. Souvenez-vous que je suis meilleur que vous à ce jeu-là. Eh bien, regardons un coup. Très bien. La guerre. Faites-moi mal. Ouch! Ouch! Alors, j'ai fait une brève recherche Google. Mm-hmm. Et, parce que Imran a cité 1 milliard d'hectares. Ça me paraissait beaucoup. Je ne sais pas compter. Ça paraît vraiment beaucoup. Pour information, la surface forestière mondiale est de 4 milliards d'hectares. Oh wow! Donc, c'est le mec a un manoir qui fait le quart de la surface de toutes les forêts de la planète. Mais non, mais il y a des étages. Oui. Bah, donc, du coup, la surface se multiplie. Il y a des bunkers en dessous. Je suis trop contente. Je savais que c'était un peu ton univers. Oui. Je me suis dit. Est-ce que tu aurais par hasard reconnu l'œuvre avec laquelle tu as joué ? C'est les liaisons dangereuses. Alors, ce sont les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de la Clos. Comme Marie Chauderlot, bien. Marie Chauderlot. C'est la même personne. Mais c'est la version du film, du coup, c'est le scénario de Christopher Hampton. Parfait. Eh ben, chic, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Chouette. Que de révélations. Que mais de oui. plans qui se retournent. Et ça matchait si bien. C'était beau. Ouais, quand t'as dit, il est temps que vous partiez, je veux dire, il est temps que vous veniez. Quel séducteur. Excuse-moi, si on n'ouvrirait pas les fenêtres. Non, parce que ça fait du bruit. Voilà. Pas, il y a trop de vent en ce mois d'octobre. C'est vrai, en ce mois d'octobre. Fin d'octobre. C'est Halloween qui arrive. Ah, il a beaucoup plu hier. Oui, bien sûr. Il fait frisquet, je vais mettre une petite laine. Laine. Est-ce que c'est censé être sexy ? On aurait dit. On aurait dit que c'était. Eh bien, je vais reprendre le contrôle de ce podcast. Ah oui. Elle pour l'avais-tu jamais vous introduire à l'improvisation que je propose aujourd'hui, qui est une variation de style. Let's go. Alors, Hicham Imran, vous allez jouer dans... Vous allez jouer une improvisation qui va passer par des styles différents. Trop cool. Que je vous donnerai au fur et à mesure que l'improvisation progressera. Cela vous permettra évidemment de teinter votre improvisation, mais tout en gardant la même histoire, les mêmes personnages, etc., etc. Et vous aurez à chaque fois une petite musique. Oh là là, qui ira bien. Alors, je regarde sur notre merveilleux sponsor officieux. Palabrasaleatorias.org. Absolument. Hop. Oh, mais c'est très bien. Votre mot sera ruche. Ruche. Et vous allez commencer à la manière d'un road movie. Okay. Alors, un road movie autour d'une ruche. Attention, je mets ma playlist préparée. Et c'est parti. Je suis désolé, mais ça va pas rentrer. C'est pas un break, ma voiture. Non, s'il te plaît. C'est une Twingo. Oui, je sais. Je vais pas faire rentrer l'intégralité de ta ruche d'apiculteur dans ma voiture. C'est pas possible. Mais je peux pas les laisser ici, les pauvres. Regarde-les. On n'a pas besoin d'abeilles en Californie. Mais elles ont besoin de nous. Je sais que tu t'es jamais vraiment accroché à elles, mais... Regarde-les comme elles sont mignonnes. Et puis regarde le petit bourdon qui s'est perdu là au milieu. Regarde-le, il est tout rond. Est-ce que tu crois que qu'on va là-bas pour le plaisir ? Tu crois que ça me fait plaisir de partir ? Tu crois que ça me fait plaisir d'aller en Californie ? Je fais ça pour toi, pour ton avenir, ok ? Pour ton avenir. Alors maintenant, il y a des sacrifices à faire. Et moi, je les fais, ces sacrifices. Alors il est temps que tu les fasses aussi. Tu vas arrêter tes camineries avec ta ruche là, et tes abeilles, et ton chapeau là, avec la moustiquaire devant. Ça suffit! Nous allons continuer à la manière d'une fiction d'horreur psychologique. C'est parti. Le sacrifice? T'es en train de me parler de sacrifice que t'as fait? Les filles, en garde! Charlie, calme-toi. Okay. Les sacrifices. Charlie, calme-toi. Donc, on avait dit, tu ne fais pas de mal à papa, ok? Ouais. Tu ne fais pas de mal à papa. Tu sais, je les ai bien dressées, elles peuvent conduire elles-mêmes. Je n'ai plus besoin de toi maintenant. Mais la voiture, Donc, tu vas pas me laisser ici, Charlie. Tu es ton papa. Tu as besoin de moi en Californie. Papa, si tu veux que si tu veux venir avec moi, il faudra que tu fasses bien ce que j'attends de toi. D'accord ? Donc tu vas monter maintenant. Oui, oui. Les filles, arrêtez, laissez-le respirer. Bon, t'es un monstre. Je le savais. T'es comme ta mère. Takes one to know one. Nous allons continuer à la manière d'un film d'action. Non! Les filles, cachez-vous! Non! Non! Non! Bourdina, transforme-toi en voiture! Course poursuite! Oh non, mais ils sont derrière moi! Votre Majesté, préparez votre dard! Les filles, mettez-vous contre sa gorge. Tu as essayé de t'enfuir ? C'est ça que tu as essayé de faire ? Nous allons continuer à la manière d'une romance mélancolique. C'est parti. Bourdina, qu'est-ce que tu fais ? Bourdina, tu... Je comprends la tendresse que tu as eue avec mon père après toutes ces années passées ensemble, mais je... Il a essayé de s'enfuir, il a essayé de m'abandonner, de t'abandonner. Tu ne comprends toujours pas, Charlie. Bourdina n'est pas juste un bourdon. Maman ? C'était pour ça, les antennes ? Mais... Bourdina... Le volant m'a transpercé la cage thoracique, je n'en ai plus pour très longtemps. Viens dans ma main, Bourdina. Je suis désolé, je n'ai pas été le père dont notre fils avait besoin. Je n'ai pas réussi à comprendre son pouvoir. Comme je n'ai pas compris le tien. Maman, je suis désolé, je ne savais pas. Pourquoi tu ne l'as jamais dit ? Nous allons continuer à la manière d'une enquête mystérieuse menée par des adolescents. Mais attends. Coupure de journal. Maman, c'était toi ? Il ne peut pas comprendre mon langage, mais s'il le savait, il verrait la vérité dans mes yeux. Tu vas repartir ? Eh oui, je vais repartir. Le comprendras-tu ? Je comprends. Je ne comprends pas ce que tu dis exactement, mais je comprends. Et merci d'être venu. Mais attention, vis. Il faut que tu fasses attention, vis. Il y a toujours un danger qui guette, vis. Les guêpes, vis. Oh non ! Ah non ! J'espère qu'il a compris. Et nous allons terminer. Ah, putain, c'est toujours pas fini. Je pensais que c'était la dernière. C'est vrai que t'as terminé. J'ai senti que c'était pas la fin. Nous allons terminer avec le road trip qui reprend. Elle est partie. Il est plus là. Il ne reste plus que moi, mes ailes et la Californie. Oh, bah bonjour, vous avez l'air perdu. Si vous voulez, j'ai une place sur mon tandem, je vais en Californie. Eh bien, vous savez ce qu'on dit ? Ah non, pas du tout. Toute fin est un nouveau départ. Ah ouais, on dit ça. C'est marrant, je savais pas. Allez, grimpez. Et du coup, c'est quoi votre relation avec vos parents ? Quoi ? Merci beaucoup ! C'est très cool. Oh mon dieu, j'adore. Oh waouh. Là, il y a des surprises et qu'il y a de la qualité. Oui. Franchement, bravo. Surprise. Quali surprise. Les twists, notamment le twist depuis la romance mélancolique vers l'enquête ado, c'était vraiment de l'or. C'est très beau. Trop chouette. J'adore le... Tu ne peux pas comprendre mon langage, mais si tu le comprenais, tu le verrais dans mes yeux. Vraiment. J'ai été extrêmement tenté de faire apparaître le chien de compagnie. Sparky. Ah oui, il creuse un trou et trouve un indice crucial. Genre, de fou. Arr, arr, arr. Sparky, mais que fais-tu là? Tu as senti quelque chose, Sparky? Arr, arr. Mon Dieu, mais c'est, oui. Mais c'est une entrée vers un bunker militaire désaffecté. Mais bien, on termine en retrait dans le bunker. Mais, avec des hommes abeilles, quoi. Et justement, croyez-moi ou non, mais c'est, j'ai une espèce de perso récurrent de l'abeille. Oh non. Iseux, toi qui es si sobre et terre à terre dans tes interprétations. Mais... J'adore l'odeur de ça ce petit matin. Oui, hein. Car oui, nous sommes à l'aube. Nous sommes en train d'enregistrer ça à l'aube. Il est 3h du matin dans un entrepôt à Los Angeles. Pour que l'épisode soit prêt à être diffusé à 16h. C'est ça, exactement. Exactement. Eh bien, c'était la troisième improvisation du jour. Je vais pleurer. Mais avant que tu pleures, donne-nous ton cœur. Waouh, c'est beau. Wow. Quel est ton coup de cœur du jour, Imran ? Sur la table dans laquelle nous trouvons, nous avons des Knoppers, qui sont un biscuit du Aldi. Oui. Il y a vraiment, donc voilà, je pense apprécier la ASMR qui va avec. Des Knoppers qui sont des biscuits au chocolat avec de la tranche de lait avec des énormes guillemets. Et beaucoup de sucre, mais vraiment, genre, quand j'ai vu ça en arrivant, j'ai eu un moment de bénédiction, je fais, c'est ça le bonheur, en fait. Tout à l'heure, on parlait de la vie adulte, quand tu commences l'impro, ben, la vie adulte, c'est pouvoir t'acheter 12 boîtes de Knoppers. Oui. Et pouvoir les manger jour après jour. Et ça coûte 10 balles. Et ça coûte 10 balles. Les 12 boîtes de Knoppers. Et ça, c'est hot. Donc voilà, achetez des Knoppers, allez chez Aldi. Allez pas chez Aldi, allez où vous voulez. Allez là où votre cœur vous mène. Là où votre addiction au sucre vous guide. Addiction. Addiction. Oh là là, sur cette belle parole. Je crois que c'est formidable, nous. C'est beau. Merci beaucoup, Imran, d'être passé. Merci à vous. C'était trop chic. C'était très chouette de t'avoir pour ces 2 ans, pour ces 2 épisodes. Eh bien, je te souhaite beaucoup de belles impros et beaucoup de plaisir régressif à l'avenir. Et bonjour. Beaucoup de pouvoir d'achat pour pouvoir t'acheter beaucoup de Knoppers. T'es plein de Knoppers. 1000 hectares de Knoppers. 1 milliard d'hectares de Knoppers. Voilà, et bien c'était On n'a rien préparé, votre émission à la fois fun et éducative, puisque vous y apprenez la surface des forêts sur la Terre. C'est pas partout qu'on apprend ça. Merci beaucoup tout le monde. N'hésitez pas évidemment à en parler autour de vous, à vous abonner à nos réseaux sociaux. À vos amis. Oui, absolument. Et à revenir nous écouter la semaine prochaine, d'autant que la semaine prochaine, ce sera un épisode très particulier. Ah oui, oui. Parce que la semaine prochaine, ah oui, c'est la semaine de l'anniversaire d'Hicham El Amouri. Ah oui, voilà. Et nous lui concoctons un un épisode spécial. Il sait que l'épisode a lieu. Il ne sait pas quel contenu il y a dedans. Alors qu'il le présente. Un mélange subtil de terreur. C'est celui qui présente l'épisode. Un mélange subtil de terreur et d'anticipation. Il y aura des surprises, il y aura du fun, il y aura des refs, il y aura plein de choses. Ça va être formidable. Oh, wow. Eh bien, à la semaine prochaine. Bye bye. Et en attendant, Imran, nous pouvons te retrouver sur scène à arbitrer des spectacles d'improvisation théâtrale. J'arbitre le 17 du 11, le jour de l'anniversaire de RuPaul. J'arbitre le match trivia. Donc du coup ouais trivia écoute voilà. on place les références qu'on a mais donc du coup ouais, j'arbitre le match poney de bain et poussin masqué, c'est qui ce à l'espace côte, c'est peut-être à Ever, c'est peut-être loin, mais ça va être très très chouette. Donc on se retrouve là. J'arbitre aussi parfois les unifs, allez les voir, les unifs n'ont pas beaucoup d'argent donc n'hésitez pas à les soutenir. Petit placement avec des camarades, on lance une chaîne YouTube autour du jeu de rôle. Ça va pas être pour tout de suite, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux @coursderecre.tv, une chaîne qui parle de jeux de rôle et on va faire des conneries, on va s'amuser avec les copains. Et ça, c'est chouette. Trop bien. Voilà, eh bien, voilà. C'est très excitant tous ces nouveaux projets. Mais oui, hein, oui. Écoute. Eh bien, merci d'être passé encore une fois. Des bisous. Des bisous. Et à...